LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Impressionnant de voir ce gigantesque volume du réfectoire des moines. Nous sommes au troisième étage d'un bâtiment particulièrement spectaculaire. Et pour ne pas affaiblir la portance des murs qui sont très épais, l'architecte a eu le soin de découper les fenêtres dans l'épaisseur du mur en les inscrivant au fond d'un ébrasement dont les côtés sont en biais. Ébrasements qui eux-mêmes s'esquivent derrière les arcatures. Et les maîtres d'œuvre, on va dire aujourd'hui l'architecte de ce réfectoire, a su, et c'est probablement le seul exemple d'une architecture aussi accomplie. Le Mont Saint-Michel, vu du ciel. A su percer le mur. Nejma Bouakra, Laurent Pauleret. D'un nombre conséquent de fenêtres. Permettant de déverser dans cette salle une lumière abondante et assez harmonieuse, sans affaiblir le mur. Donc, si on y réfléchit bien, regardez dans l'axe où nous nous trouvons, nous avons l'impression qu'il y a une succession de colonnes. On ne voit pas les fenêtres, on ne voit que de la lumière, et de la lumière qui glisse sur ce jeu d'arcatures, où l'on retrouve les accents de cette architecture gothique normande, avec des colonnettes très fines, étirées, coiffées de chapiteaux dont les abaques sont circulaires, là encore, comme dans le cloître, comme dans la salle des hôtes, comme dans la salle des chevaliers. I'm sorry, it's closed. La merveille, ce bâtiment arrimé sur la pente nord glissante du rocher, est arc-bouté sur 16 puissants contreforts qui strient sa façade et lui donnent son élégance austère, visible à mille lieues. La merveille illustre l'esprit de l'art gothique qui souffle à travers toute l'Europe occidentale du XIIIe siècle. Accolée sur le flanc du rocher, l'église abbatiale semble tenue au-dessus du péril de la mer par une forêt de pierres, les arcs-boutants. Ici, tout participe d'un calcul précis. Au sommet de l'église abbatiale, les pinacles. Flammes figées du gothique flamboyant, elles ne sont que la conséquence architecturale des 10 piles qui soutiennent la structure du chœur, 40 mètres plus bas. Quelle prouesse architecturale, a-t-on coutume de dire ? Il reste que si le Mont Saint-Michel fait partie des silhouettes les plus connues au monde, il garde encore bien des secrets sur les 13 siècles d'histoire qui l'ont façonné. En proie aux incendies, aux sièges militaires, à l'érosion, à des effondrements soudains, au déclin et parfois à la décadence, il est en perpétuel chantier. Personne n'a encore élucidé la généalogie de cet enchevêtrement de pierre. Les croyants y voient la main de Dieu, les romantiques des mystères insondables, les plus échevelés des combinaisons secrètes. C'est des fantasmes. C'est des fantasmes. Bien sûr que la numérologie est importante. Les traités médiévaux et les moines du Mont ont étudié la numérologie. Les traités médiévaux sont remplis de démonstrations grâce au nombre de démonstrations. Mais quand vous tournez la page suivante, on démontre avec exactement les mêmes nombres, l'exact contraire. Donc, moi, je me méfie de cette approche numérologique du Mont. On m'explique parfois qu'il y a quatre piliers à la croisée, parce que ce sont les quatre évangiles, les quatre fleuves du paradis. Il y a quatre piliers parce qu'une tour a besoin de quatre piliers pour tenir. Il y a quelques années, on a remarqué qu'il y avait 137 colonnettes dans le cloître. Et à partir de ce chiffre, 137, c'est 1, 3, 7, Dieu, la Trinité, les sept jours de la création. Certains sont partis dans des calculs, à mes yeux, délirants. 137, c'est intéressant, mais Il faut se rappeler que lorsque le cloître a été achevé, en 1228, on n'utilisait pas encore les chiffres arabes. On n'utilisait que les chiffres romains. Et si vous écrivez 137 en chiffres romains, vous n'avez pas 1, 3, 7. Voilà, je crois qu'il faut se garder de ces surinterprétations. Il y a des symboles, évident, mais parfois nous passons à côté. Et nous en voyons d'autres, mais ce sont bien souvent des fantasmes. De temps en temps, descendant les escaliers, on aperçoit des chiffres, mais aussi des lettres. F, comme là. Nous sommes, marchons sur les fortifications. Qu'est-ce que c'est que ces lettres ? En fait, c'est ce qu'on appelle des marques de tâcherons. C'est-à-dire les tailleurs de pierre, hein, c'est l'interprétation qu'on en donne en général. Les tailleurs de pierre étaient payés à la tâche. Donc, ils marquaient l'ouvrage qu'ils avaient fait, la pierre qu'ils avaient taillée par cette marque. Donc, chaque tailleur avait sa marque, hein, donc soit ses initiales, soit un symbole, soit une simple lettre ou un chiffre. Et ainsi, c'était beaucoup plus facile pour compter le nombre de pierres qu'il avait pu tailler dans la journée et recevoir le salaire en conséquence. Alors les pierres qu'on a ici sur le chemin de ronde des remparts, à l'origine, il n'y avait pas de ces marques de tâcherons. Ça vient vraisemblablement d'un édifice qui a été démoli, puisque ces pierres ont été mises en œuvre par l'architecte en chef Édouard Corvoyer au XIXe siècle, au moment de la réfection du chemin de ronde. Oui, tout à fait. Il s'agit de pierres qui viennent d'un autre bâtiment, peut-être même en dehors du mont. Voilà. De pierres récupérées, abbaye ou un prieuré en démolition, en ruine. Voilà, c'est des pierres de récupération. Alors, soit effectivement quelque chose à l'extérieur du Mont-Saint-Michel, ou un bâtiment, par exemple l'hôtellerie qui s'était effondrée au tout début du 19e siècle, ces pierres étant récupérées et réutilisées par architecte en chef pour servir de niveau de circulation sur le chemin de ronde des remparts. Est-ce qu'on peut dire, comme le disait Prosper Mérimée, que c'est un bâtiment composite ? Ah, complètement, oui. En fait, le Mont-Saint-Michel est un monument assez merveilleux à étudier parce que chaque époque a laissé ses strates. Et comme l'archéologie, justement, c'est d'étudier ses strates, on a, à travers toutes les maçonneries qui composent l'abbaye, qui composent le village, qui composent les fortifications, cette possibilité de lire l'histoire du Mont-Saint-Michel à travers les pierres. Parce qu'il y a une sorte de recyclage au Mont-Saint-Michel de ce qui a été construit, du bâti. Alors, c'est plus que vrai, parce qu'en fait, les matériaux au Mont-Saint-Michel sont d'une richesse, enfin, ils ont une valeur fondamentale. Il faut imaginer qu'on est sur un rocher. Il y a la mer tout autour, donc l'approvisionnement des matériaux au Mont-Saint-Michel est assez compliqué. Donc très facilement, on détruit un bâtiment pour pouvoir en reconstruire un autre, pour éviter justement de faire revenir des matériaux sur le Mont-Saint-Michel. En fait, par exemple, sur la Merveille, on a la destruction de 1204 donc par les troupes bretonnes. Et en faisant une étude du bâti, au moment des travaux de restauration, on a réussi à mettre en évidence, en fondation des bâtiments gothiques de la Merveille, des deux bâtiments gothiques existants aujourd'hui, des constructions qui sont antérieures à 1204. Donc on avait au nord de l'église abbatiale des bâtiments qui se développaient le long de l'église abbatiale et qui ont été réutilisés en soubassement pour la construction de la Merveille après 1204. Lorsqu'on restaure l'abbaye après la Révolution française, les premiers restaurateurs, ce ne sont pas des archéologues. Est-ce qu'ils tiennent compte des siècles d'histoire qui sont ici ? Les premiers architectes en chef, notamment Édouard Corvoyer qui arrive au Mont-Saint-Michel en 1872, en fait, le travail qu'il va avoir à faire, c'est réellement sauver le monument qui est en piteux état. Il a servi pendant plusieurs décennies de prison. Il y a eu un incendie qui a été... Enfin, on a essayé de restaurer tant bien que mal les dommages de cet incendie. Donc en fait, le travail des tout premiers architectes en chef, ça va être réellement de sauver le mont et de le rendre, compréhensible pour les pèlerins, pour les visiteurs. Qu'est-ce qui vous a amené au Mont-Saint-Michel aujourd'hui ? Pourquoi on est venu ? Parce qu'on n'a rien pressé. Non, si, on est. Parce qu'on voulait le voir entouré d'eau. C'est la quatrième fois qu'on vient depuis notre enfance. Le temps nous y a amené. En général, on dit que les gens viennent deux fois au Mont-Saint-Michel, une fois enfant et une fois adulte. Et vous ? Nous, on est venus. Quatrième fois. Enfant, adulte avec nos enfants, et puis maintenant on vient tout seul. Notre patrimoine est assez riche et beau, et il y a des monuments qu'on se lasse pas de revoir et revoir encore et encore. Et qu'au fil du temps, il bouge pas, quoi. C'est immuable, c'est... Il est toujours là. C'est quelque chose de très... C'est majestueux. Il est là et on le trouve toujours tel qu'il est. Il bouge pas. Au fil des ans, il bouge pas. Plébisciter l'architecture intemporelle du Mont-Saint-Michel, c'est accepter l'idée que l'on ne peut pas la dater précisément, parce qu'elle est en fait de toutes les époques. Mais ici, l'architecture n'a pas de vie éternelle, le bâti n'est pas d'un seul tenant, l'ancien chemin de fortification indique une autre circulation dans le mont, ici et là des gargouilles inspirées librement de l'époque romane donnent quelques indices sur les restaurations farfelues des romantiques. Viollet-le-Duc, grand sauveteur des monuments en ruine, ne disait-il pas de son propre aveu, restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire, c'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné. Et si l'histoire du Mont-Saint-Michel était une somme de reconstitution? La difficulté de la compréhension de ce monument, qui est un labyrinthe, millions de constructions, d'effondrements, c'est qu'on a du mal déjà à s'orienter dans l'espace, mais on a aussi du mal à s'orienter dans le temps. Et pour la plupart des visiteurs, c'est vrai que c'est très difficile de comprendre les différents enchaînements. L'architecte Paul Gouk, qui a étudié et publié en 1910 un gros volume sur le mont, sur l'histoire, l'architecture, a restauré l'abbaye, et en bon élève de Viollet-le-Duc, il a certainement détruit certains éléments anciens pour reconstruire des choses conformes à sa théorie. Il voulait absolument construire en gros une somme expliquant toutes les phases d'évolution du bâtiment. Et le travail novateur que fait aujourd'hui Florence Margot, c'est justement d'essayer de déconstruire le discours de Paul Gouk et de déconstruire aussi ses restaurations pour essayer de comprendre ce que l'architecte a effacé. Et c'est très compliqué. L'escalier que l'on emprunte pour accéder à la grande église abbatiale, cet escalier magistral date du XIIIe siècle, alors que l'on sait très bien que l'église a été édifiée au XIe siècle. Comment faisait-on pour accéder à la partie haute au XIe et XIIe siècle? Personne ne le sait vraiment. Et on ne s'y intéresse pas suffisamment. Et je crois que l'on n'ouvre pas suffisamment le champ d'investigation lorsque l'on travaille sur ce problème. On limite toujours le champ de recherche à l'entrée romane au singulier, alors qu'il y a eu peut-être plusieurs entrées successives sur un temps très très court. Et je suis persuadé qu'il n'y a jamais eu d'abbaye romane au singulier, comme on l'entend souvent expliquer. C'est une fumée d'esprit. Qu'il y ait eu des abbayes romanes plurielles. Que l'abbaye du XIIe, par exemple, était radicalement différente de celle du XIe que l'on venait à peine d'achever. Il y a peut-être eu une entrée romane au XIe siècle, une entrée romane au XIIe siècle, et là où ça se complique, c'est que par logique, il y a eu forcément une entrée temporaire de chantier. Et je suis convaincu qu'en 2017, nous n'avons que quelques éléments de ces trois dispositifs. Par exemple, quand on regarde la maquette du XIe, XIIe siècle, l'abbaye romane, on lit sur le cartel abbaye romane, XIe, XIIe siècle. Cela présuppose que l'abbaye romane était la même au début de l'an 1000 et à la fin du XIIe siècle. On suppose qu'il y a eu des ajouts peut-être importants, mais qu'ils n'ont pas eu d'incidence sur le bâti préexistant. C'est peut-être faux. Ce que l'on nous présente, c'est un récit d'une histoire presque contiguë. Alors qu'il y a eu peut-être... Alors, il y a beaucoup de fantasmes en Mont-Saint-Michel. On idéalise un monument et son histoire. On présente un temps qui n'a jamais existé. Dès qu'un problème se propose, se présente, on élude, on emprunte un autre escalier. XIe siècle, on a conçu un espace spirituel. Au XIIe siècle, on s'est agrandi, on a fait dans le pratique. On a oublié cette exigence. Et je suis persuadé qu'au XIIe siècle, on a mis en l'air tous ces espaces sublimes qui ont été portés par la symbolique, en particulier la hauteur. Et il faut se souvenir que les constructions étaient très, très modifiées depuis l'an 1000, ce qui rend illisible la symbolique du XIe siècle. Elle est vraiment virtuelle. Xavier Veilly, vous êtes le maître des lieux avec ces immenses clés. Oui, oui, là, le monument est fermé au public. Là, on vient juste de fermer nos portes. Et pour vous accueillir, je suis obligé de faire appel à ce trousseau de taille impressionnante. Qui mesure pratiquement la taille d'un demi-bras, d'un enfant, hein, d'un avant-bras. Il faut imaginer que nos clés sont très très longues parce que les portes sont très épaisses. Et que les serrures sont impressionnantes par leur taille. Et une autre porte à franchir pour rentrer dans ce que l'on appelle la merveille, c'est-à-dire ce bâtiment adossé sur le flanc nord de l'abbaye du Mont-Saint-Michel au XIIIe siècle et dont les voûtes gothiques nous accueillent. Voilà, très bel espace, premier niveau d'un bâtiment qui en compte trois superposés. Donc il est communément admis que les trois niveaux superposés de la merveille correspondent à l'étagement de la société médiévale. Les plus humbles au premier niveau, les plus nobles au niveau intermédiaire, à l'étage supérieur, et bien sûr ceux qui ont l'oreille de Dieu au troisième étage vers le ciel. Donc c'est quasiment ce qui perdurera jusqu'à la fin de l'Ancien Régime avec le tiers-état, la noblesse et le clergé. Combien de temps dure cette construction à trois étages? On est sur une période très courte, quelques années. À l'aune de l'histoire du Mont-Saint-Michel, c'est très court, puisque nous sommes dans un monument qui représente 1300 ans d'histoire. Les quelques 10 ou 20 ans de travaux pèsent peu dans toute cette histoire. Nous allons rejoindre la crypte des gros piliers. Donc, en utilisant ce passage qui a, à l'époque romane, été le couloir de liaison entre les cryptes, mais sachant que le chœur roman s'effondre en 1421, en témoigne ses traces d'arrachement, en témoigne ce petit escalier qui semble mener nulle part, puisque au chœur roman est venu se substituer le chœur gothique. Alors nous sommes dans la crypte des gros piliers qui impressionne toujours par, comme son nom l'indique, la puissance des piles qui soutiennent et le volume dans lequel nous nous trouvons et le chœur de l'église qui se situe au-dessus. Et on est ici dans une quasi-pénombre, avec uniquement la lumière qui glisse sur ces piliers, qui se rapprochent les uns aux autres, un peu comme si l'on avait voulu faire une botte de légumes et voilà, de les tenir ainsi, de les bien ficeler pour soutenir ce qu'il y a au-dessus. Ces piliers sont si larges qu'on ne peut pas les enserrer avec les bras. Oui, il est impossible d'embrasser, de faire se rejoindre nos deux mains en essayant de ceinturer les piles. Les piles sont tellement énormes qu'il faut au minimum être deux pour réussir à les ceinturer. Et ces piles sont extrêmement puissantes, très proches les unes des autres, c'est-à-dire que les arcades qu'elles forment entre elles sont très étroites, très, très, très étirées vers le haut, parce qu'il y a quasiment plus de maçonnerie que de vide. Nous sommes ici vraiment en face d'un socle extrêmement solide. Le chœur précédent s'est effondré, donc on craint qu'il n'advienne la même chose de celui-ci. Et en même temps, si on regarde la manière dont ces piles sont reliées entre elles par des nervures de voûte, on note l'élégance avec laquelle s'allient la puissance, la résistance et la beauté. Et notamment un travail, et un travail d'une remarquable qualité mené par les tailleurs de pierre dans ce que l'on appelle la stéréotomie, c'est-à-dire l'art de tailler les pierres et de les assembler. Parce que si vous regardez attentivement, vous avez le sentiment que, un sentiment esthétique très net, que les nervures viennent mourir dans les piles, qu'elles viennent se fondre dans la masse de ces pierres et de ces piles extrêmement puissantes. Pierre Bouet, comment est-ce que vous vous expliquez le fait qu'il y ait autant de personnes qui viennent visiter le Mont-Saint-Michel ? Ah ben, je crois qu'il y a deux raisons fondamentales. C'est d'une part l'abbé, qui est extraordinaire dans la mesure où, où la mer, la terre et le ciel, j'allais dire, sont en concorde et en harmonie perpétuelle, quelquefois de façon conflictuelle, mais c'est un émerveillement de chacun. Deuxièmement, ce miracle architectural construit sur un rocher, envers et contre tout, malgré les incendies, les tempêtes et les destructions, eh bien, il est resté pratiquement tel qu'il était à la fin du Moyen-Âge. Alors, aujourd'hui, on découvre cette abbaye qui est couleur granit, alors granit rosé parfois, puisque nous sommes à la frontière de la Bretagne, et puis que granit est aussi importé des îles anglo-normandes. Et on peut imaginer qu'ici, une grande partie des voûtes était peinte. Alors, il faut imaginer, en effet, que toutes ces pierres, belles pour nous, avec de très beaux joints, étaient recouvertes d'un enduit, sur lequel, d'ailleurs, on avait soit peint des fresques, soit tout simplement un décor représentant les pierres de façon harmonieuse et régulière. On cache des pierres pour dessiner d'autres pierres. Et ces ponts, qui peignait ? Oh ben, il y avait énormément de frères convers, comme on dit, des laïcs. Et puis on faisait venir des entreprises, comme on le fait aujourd'hui, des gens qui se faisaient payer pour faire ce travail. Une abbaye bénédictine comme celle-ci devait employer dans tous ces domaines quelque chose comme 10 à 20 000 personnes en permanence, qui vivaient des ressources de l'abbaye et qui rendaient des services soit sous forme de corvée, soit sous forme de salaire. Nous sommes à quel étage ? Alors, c'est toujours difficile de situer un étage, mais là, disons que nous sommes au niveau de l'abbaye, au niveau médian. C'est-à-dire le niveau des cryptes. Et le niveau supérieur, c'est le niveau de l'abbatiale. Où nous nous rendons. Où nous nous rendons. Allume la lumière. Peu à peu, les murs se recouvrent finalement aussi d'insignes qui viennent imposer une nouvelle présence politique. Tout à fait. Alors, soit un nouvel art décoratif, mais souvent lié à une idéologie politique, en effet. La fleur de lys, ici, dans cet appartement dit de Robert de Torigny, est une marque, j'allais dire, d'allégeance au pouvoir français. Donc ce logis, celui de l'abbé de Torigny, est un logis important puisque c'est un abbé bâtisseur. C'est un abbé bâtisseur qui a eu le malheur de voir la plupart de ses constructions s'effondrer. Donc c'est un grand abbé qui a beaucoup construit mais ce n'est pas forcément de sa faute, parce que certains de ces bâtiments se sont effondrés au 19e siècle, au 18e, faute d'entretien. Comme c'était les parties les plus extérieures du monument, c'est normal qu'elles tombent en premier. Mais là, il s'agit d'une faute d'entretien plutôt qu'une responsabilité d'architecte, hein, même si certains archéologues pourraient dire le contraire. Et ces abbés qui étaient des constructeurs, bâtisseurs pour une part, est-ce qu'ils avaient une connaissance, par exemple je pense à l'abbé de Torigny, ils avaient une connaissance de l'art de construire, de l'art architectural de l'époque? Ce sont des lettrés, ce sont des grands intellectuels, ce sont des gens qui sont savants, donc ils ont connaissance de l'architecture. Mais en tout cas, ils ont conscience de ce qu'est l'architecture et de la mission qu'ils lui assignent. Incontestablement. Est-ce qu'il nous reste des carnets de notes, des carnets d'esquisses ? Hélas, les archives médiévales de l'abbaye du Mont-Saint-Michel sont réunies à Saint-Lô après la Révolution française et disparaissent dans les bombardements alliés de 1944. Donc tout est perdu. La merveille garde ses mystères. Nous saisit. Oui, oui. Nous sommes ici dans une crypte. Nous sommes dans Notre-Dame des Trente Cierges, qui est l'une des cryptes édifiées pour soutenir l'Église dans ce grand chantier engagé en 1023 pour construire cette église abbatiale de 80 mètres de long, dont le transept vient chevaucher la pointe du rocher. Et c'est bien là un vrai jeu de construction. Alors, peut-être pour expliquer un peu comment s'organisent les bâtiments de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, je pense toujours à un château de cartes. Les premières cartes que l'on met, on les met verticalement. Et on a un peu le dessin de la pointe de notre rocher. Nous mettons des cartes sur le côté. Et puis, mettant des cartes sur le côté, on va établir deux terrasses sur lesquelles on va faire le deuxième étage de notre château de cartes. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? Bien, imaginez que nous ayons la pointe du rocher, les deux terrasses, et il faut encore combler la pointe qui émerge au-dessus des deux terrasses, et on construit deux autres boîtes. Le rocher du Mont-Saint-Michel, c'est ça. Un rocher, une pointe, autour de la pointe, pour constituer la plateforme sur laquelle l'église abbatiale, dont le plan est en croix latine, doit venir s'établir, eh bien, on construit trois cryptes. Vous noterez, j'en ai dit trois. La logique voudrait que nous en ayons quatre. Et nous allons voir qu'effectivement, la quatrième, c'est un bâtiment que l'on va conserver, bâtiment venu des temps plus anciens, qui sera conservé pour soutenir la nef. C'est Notre-Dame sous terre. Il y a de l'écho. Nous sommes dans cette église abbatiale du Mont-Saint-Michel. Avec ce volume formé par ces quatre parties, on a évoqué la question des cryptes qui se situent en dessous. Alors, la plus ancienne, c'est celle qui correspond à ce qui a été conservé des époques antérieures. C'est Notre-Dame sous terre. Alors, si on cherche Notre-Dame sous terre dans l'église, il faut se référer à ces deux planchers. Parler de Notre-Dame sous terre, qui est finalement une sorte de fondement. Notre-Dame sous terre, c'est une église de l'époque pré-romane qui est conservée à l'abbaye, ici même, contre le rocher, parce que quand on veut construire cette vaste église romane, eh bien, on va conserver, plutôt que de faire quatre cryptes au lieu de trois, on va conserver un bâtiment et on va construire au-dessus. On va, en quelque sorte, il faut imaginer que cette petite église, parce que Notre-Dame sous terre était une église, elle était blottie contre la pointe du rocher. Et donc, comme elle est établie contre la pointe du rocher et pas tout à fait à son sommet, il suffit de la décapiter pour venir poser dessus la nef. Mais Notre-Dame sous terre est donc bien ici, un peu dans l'axe de la nef, mais légèrement sur le côté. ici, à Notre-Dame-sous-Terre, nous traversons un monde peuplé d'hypothèses. Effectivement, la tradition, répétée par les moines pendant plusieurs siècles, veut que l'église primitive, l'église de Saint-Aubert, ait été ici même. Cette église qui a été construite au Xe siècle serait, selon la tradition montoise, à l'emplacement de la première église. Et la plupart des églises ont été reconstruites les unes au-dessus des autres. Les archéologues, en 1960, l'architecte Yves-Marie Froidevaux, était persuadé qu'en fouillant le sol de cette église, il trouverait là les fondations de la première église, l'église de Saint-Aubert, qui était, le texte de la Révélation le dit, circulaire, hein, le terme rotonda. Malheureusement, on n'a rien trouvé. Le sol a été bouleversé, il y a des sépultures partout, du remblai, plus aucune trace. Au-dessus de Notre-Dame-sous-Terre, l'église romane à laquelle est venu s'accrocher un chœur gothique. Pour assiette, le sommet du rocher. Pour axe, l'île est-ouest. Seules les deux dernières travées et la croisée de l'église reposent sur le roc. Les deux extrémités sont en encorbellement. Les croisillons et le chœur reposent sur des cryptes. Comme si les constructeurs n'avaient jamais pu cesser de construire. Mais quel était le plan du chœur qui a été reconstruit en 1421 en style flamboyant ? Mystère. Admirons son aspect extérieur avant de découvrir le tour de force architecturale de ce chœur qui s'élève à la verticale et hisse plus haut encore la provocation esthétique des bâtisseurs du XVe siècle. Toujours mes grosses clés. Pour suivre l'itinéraire. Est-ce qu'au-dessus de nous, on peut apercevoir quelques gargouilles faméliques ou peut-être simplement érodées ? Vous pourriez nous les décrire ? Ah oui. Alors, nous sommes ici en face d'un chœur gothique tout à fait spectaculaire, construit donc à partir de l'effondrement du chœur roman, 1421. Dans les années qui suivent, début de chantier par la crypte des Gros Piliers. Et achèvement du chantier un siècle après l'effondrement, 1521. Donc, nous sommes ici en face d'une architecture gothique qui témoigne de l'évolution de l'art médiéval. Nous sommes ici en face de l'art gothique flamboyant, avec ces grandes baies à remplage dont les dessins sont assez élégants, mais aussi, surtout, le couronnement des murs, avec ces belles balustrades qui sont à chaque angle de contrefort marqués par la présence de ces gargouilles. L'œuvre même de sculpter cette pierre, le travail des tailleurs de pierre est un travail difficile. Et par conséquent, il y a bien cette contrainte physique d'un matériau qui pourrait se rompre si on le taillait trop fin. Et si on regarde attentivement, il y a le corps même de la gargouille et ces sortes de pattes qui, un peu comme des étés, viennent maintenir la gargouille dans la masse de la pierre qui la soutient. Nous sommes là en face d'un bestiaire tout à fait fabuleux, un peu effrayant. C'est un peu la vocation, vous savez, en gargouille, le mot même de gargouille, on sent un bruit de gorge qui correspond à ce bruit que fait l'eau lorsqu'elle est crachée le plus loin possible du mur. Parce que la vocation d'une gargouille, c'est vraiment celle-là. C'est vraiment aller rejeter l'eau le plus loin possible. Au Moyen-Âge, on craint le feu et les incendies, et parfois ils sont nombreux. Mais surtout l'eau qui peut créer des désordres dans les maçonneries. Donc il faut toujours éviter que l'eau ne vienne stagner à la base des murs. Donc on cherche à l'éloigner. Et la vocation des gargouilles est là, bien jeter l'eau le plus loin possible. Et d'ailleurs, la pente des toitures, lorsque nous monterons tout à l'heure dans les hauteurs, vous le verrez, la croupe même des toitures est destinée à faire prendre de la vitesse à l'eau pour qu'une fois arrivée dans le chéneau, elle soit expulsée par l'intermédiaire de ces gargouilles qui, un peu comme des lieux et des animaux de détestation, doivent assurer leur œuvre, éructer, éjecter, expulser cette eau dont on se méfie. Jérusalem Saint-Michel est bien cette évocation de la Jérusalem céleste, de cette transcription sur terre d'un idéal architectural, certes constitué époque après époque, de l'époque romane à l'époque gothique, de ces cryptes des premiers temps jusqu'à la construction de la merveille, mais bien une cité qui se constitue et se construit et s'assemble au fur et à mesure des siècles, jusqu'à nos jours quasiment. Dans la recherche, là, dans l'application d'une philosophie néo-platonicienne, où le pèlerin et le fidèle partent de l'ombre et se dirigent vers la lumière, où l'on a une division des espaces avec la nef dévolue à ceux qui souffrent, le cœur dévolu à la communauté, à ceux qui prient, à ces voûtes ou à ces charpentes que l'on tend le plus haut possible, parce que là nous avons une évocation du monde céleste, donc dans une vision totalement trinitaire des espaces. Et bien, nous avons dans le cœur, et dans ce cœur gothique, une innovation technique qui apparaît au début de l'âge gothique, qui est le percement du triforium. La question de l'éclairage, grande épopée de l'histoire de l'architecture médiévale, que de faire rentrer toujours davantage la lumière. Si nous regardons attentivement l'élévation de la nef, nous y voyons des grandes arcades, au-dessus des tribunes, puis un étage clair. Mais si l'on regarde le percement des murs sur ces trois niveaux d'élévation, on peut noter que ce sont les fenêtres basses qui sont les plus ouvertes, que le niveau intermédiaire ne délivre aucune lumière et que l'étage clair, pour ne pas affaiblir la portée de ce bâtiment qui certes n'est pas couvert de voûte, mais d'une charpente lambrissée, ne pas affaiblir un mur qui a nécessité à porter le tout. Si vous regardez attentivement, dans l'axe de la nef où nous nous trouvons, nous voyons bien que la lumière généreuse des fenêtres basses à l'arrière des grandes arcades est liée à l'opercement de grandes fenêtres, mais que l'on a aussi des fenêtres au niveau intermédiaire au triforium, et ces grandes fenêtres hautes. Et tout cela, c'est lié à l'invention progressive des modes de ce qu'on appelle le contrebutement, c'est-à-dire la manière dont on va assurer l'équilibre de l'architecture en affaiblissant toujours plus le mur au profit des percements dédiés à l'arrivée de la lumière, et que cela n'est possible qu'avec l'innovation incroyable que sera l'arc-boutant. Et lorsque l'on est en bas du Mont Saint-Michel et qu'on regarde cette silhouette, on a l'impression d'avoir une sorte de pièce montée. La muraille du village, puis au-dessus du village les logis abbatiaux, et puis au-dessus des logis abbatiaux l'église. Eh bien, si l'on regarde la nef petite, basse, trapue, elle contraste avec ce cœur où l'on voit presque sortir tous les organes de contrebutement, les culées, les contreforts, tous couronnés de pinacles en dentelle de pierre et à partir desquels s'élèvent les arcs-boutants qui maintiennent par l'extérieur ce que l'on a dégagé ici à l'intérieur au profit de la lumière. Et cette recherche permanente de la lumière est vraiment là au service de cette vision qui est purement spirituelle. Je vous ai dit, on vient de l'ouest, on va vers l'est, on part de l'ombre, on va vers la lumière. La lumière, elle est beaucoup plus généreuse dans le cœur, parce que qui se situe dans le cœur, c'est l'officiant. Et l'officiant est le premier à être baigné par les premiers rayons du soleil chaque matin évoquant d'une certaine façon, au travers de cette architecture, le jour nouveau, c'est-à-dire le jour de demain, c'est-à-dire évidemment la résurrection. Et cette architecture traduit cette pensée, cette philosophie vraiment inspirée de cette philosophie néo-platonicienne de la lumière, au service de laquelle l'architecture n'aura de cesse, au travers des innovations des maîtres d'œuvre, que de chercher à rendre le mur immatériel, à le rendre lumière. C'est une quête presque folle. Nous sommes avec l'architecte en chef des monuments historiques de ce site. Et là, évidemment, nous allons rentrer dans un chantier interdit au public. C'est tout à fait, comme tous les chantiers. Je vous en prie. quoi ressemble le cloître? À quoi peut-il ressembler, à votre avis? Le cloître, c'est un lieu absolument extraordinaire dans une abbaye. Hein. C'est à la fois un lieu symbolique, mystique, religieux, avec beaucoup de cérémonies qui se passent dans le cloître. C'est un lieu de rassemblement, hein. Le cloître dans une abbaye, c'est le cœur de l'abbaye. On a un peu oublié au Mont-Saint-Michel que c'était le cœur, parce qu'il est situé dans un endroit un peu excentré par rapport au bâtiment, à l'église, par rapport au logis, etc. Parce que l'abbaye du Mont-Saint-Michel est une abbaye atypique. C'est les espaces, les volumes sont superposés, alors que dans une abbaye traditionnelle, les espaces sont dilatés sur le sol. Alors qu'ici, il est à l'écart. Une partie du cloître s'ouvre sur la baie, sur la mer. C'est splendide. C'est splendide, mais c'est pas du tout monastique. Parce qu'un cloître, c'est une abbaye, c'est fermé, c'est un monde fermé sur lui-même. Et le cloître est bien l'image de cet ouvrage. On est en même temps ouvert sur le ciel, parce que c'est évidemment extrêmement symbolique, hein, c'est l'ouverture vers le ciel. C'est le songe de Jacob dans la Bible, le rêve de Jacob, l'intercession entre le monde terrestre et le monde céleste. Il y a une échelle avec des anges qui montent et qui descendent comme ça. Donc c'est ça. Le cloître, c'est l'intercession entre le monde terrestre et le monde céleste. Donc on s'ouvre pas sur l'extérieur, on est concentré au cœur de l'abbaye. Donc c'est absolument contre nature, cette ouverture sur la baie dans la salle capitulaire. Alors là, évidemment, la galerie, c'est un petit peu le chef-d'œuvre. Hein. Ces colonnettes en quinconce, enfin tout cela est d'une subtilité, d'une légèreté absolument extraordinaire. Puis il y a toute cette sculpture qui raconte quelque chose. Hein. C'est le miroir de la nature. Ça, on est tout à fait dans la scolastique du XIIIe siècle. Miroir de la nature. Donc on représente un certain nombre de fleurs, de feuillages, etc. Donc le cloître, c'est le jardin qui est la représentation aussi de la Jérusalem céleste avec les quatre galeries, les portes, etc. Donc tout ça est très très symbolique. C'est un défi pour la construction. Dans l'urne, il n'y a pas de... On est en face d'une architecture qui est au carrefour d'inspiration, au carrefour d'échange. Les compagnons, les maîtres d'œuvre vont de chantier en chantier. Nous sommes ici en Normandie, nous sommes proches de l'Angleterre. Il y a donc des parentés avec l'Angleterre, c'est évident. Nous sommes ici dans le cloître. Les colonnettes que l'on a choisi de mettre dans ce cloître au début du XIIIe siècle sont des colonnettes que l'on fait venir d'Angleterre. Ce sont des colonnettes qui sont en calcaire coquillé de Purbeck, une pierre extrêmement précieuse que l'on choisit parce que elle est rare, elle est très élégante parce que la particularité de cette pierre, c'est que lorsqu'elle est polie, elle montre dans la concrétion de la pierre les petits coquillages dont on voit les hélices intérieures. Donc une pierre dont les moirures vont du rouge rosé au bleu violet, donc une grande élégance. Et on choisit donc, et c'est un choix délibéré, d'associer cette pierre, qui n'est pas une pierre précieuse, mais qui est quand même choisie délibérément, de l'associer avec le calcaire de Caen, avec la pierre de Chauzet, avec un soin qui est une recherche de luxe infini. Comment a-t-on pu construire un cloître comme ça sur un rocher qui est penché, enfin je veux dire sur le flanc du rocher? Mais écoutez, c'est tout le défi de cette abbaye depuis sa création, hein, depuis le 9e siècle, ça a été de prendre les espaces sur le vide. Donc il a fallu construire des cryptes, des murs de soutènement. Donc c'est un défi continuel aux techniques de construction. Quelle lisibilité vous choisissez de donner au cloître? Vous savez, au Mont-Saint-Michel, en fait, mon travail a toujours été un peu orienté sur cette idée de conserver, y compris les strates, les dernières strates historiques, qui sont les travaux de mes prédécesseurs au 19e et au 20e. Donc, ici, on conserve l'œuvre de Corroyer. On ne peut pas ignorer non plus Petit Grand, hein, qui est le successeur de Corroyer et qui construit cette flèche qu'aujourd'hui, on ne ferait plus. On ne serait pas autorisé à la faire. C'est ça, quand même assez hallucinant, quoi. Parce que le service des monuments historiques, la commission nationale, empêcherait de faire une telle œuvre sur un tel édifice, tout simplement. D'interpréter, finalement, Saint-Michel. Quasiment, oui, quasiment, puisque c'est une création, c'est une invention complète. Il a carrément copié la flèche de Notre-Dame de Paris, hein, pour la remettre ici. Voilà, ça c'est une influence directe. Est-ce que la flèche de Notre-Dame de Paris a été édifiée par qui ? Par Eugène Viollet-le-Duc, à la fin du 19e, oui, oui. Une restitution, très belle restitution. Et ici, on ne veut pas parler de restitution, par contre. Pas du tout. On ne savait pas ce qu'il y avait. Mais pour autant, on savait quand même que l'abbaye devait être couronnée par un Saint-Michel, hein, tout en haut. Maintenant, on n'avait certainement pas une flèche gothique sur une tour romane. Non, il a été très habile, Petit Grand. Très, très, très, très malin, hein, avec à la fois les personnalités de la commission supérieure, mais aussi avec le pouvoir politique. Donc, on était dans une autre époque. On avait d'autres manières. On essuyait les plâtres, en quelque sorte, hein, excusez-moi, mais c'est un peu ça, parce qu'on ne savait pas ce qu'était la restauration. La restauration, à cette époque-là, c'est reconstruire, c'est changer des matériaux pour des matériaux plus durs, qui vont être plus durables, etc. Enfin, tout cela fait partie, les premiers pas, en quelque sorte, de la restauration. Puis, petit à petit, ça va beaucoup évoluer. On ne sait pas, il ne reste plus aucun carnet de bord des bâtisseurs. On ne sait pas, finalement, quels ont été les plans. Il reste très peu de choses. Non, on ne sait pas. Effectivement, on est obligé de faire des enquêtes presque policières, complexes. Pour comprendre les mystères de cette construction, finalement, il faut se tourner vers le présent. C'est étonnant. Tout à fait. Ben oui, parce que c'est ce qui existe qui nous permet de comprendre ce qu'il y avait avant. C'est tout bête, hein, parce que les défauts de construction, les implantations, les élévations, etc., elles sont dues à ce qu'il y avait précédemment, qu'on ne connaît pas. Donc il va falloir faire cette démarche de commencer par analyser ce qui existe pour aller petit à petit vers ce qui n'existe plus. Ce qui est C'est le récent. C'est le récent qui permet d'aller voir ce qu'il y a derrière. Par exemple, pourquoi ce cloître est trapézoïdal ? Voilà. J'en sais rien. Mais probablement qu'en analysant petit à petit avec les éléments qu'on a découverts aujourd'hui, peut-être petit à petit on arrivera à comprendre pourquoi il est trapézoïdal, parce qu'il y avait une implantation de bâtiments précédents qui ont influé sur cette forme-là. Alors là, c'est les cloches de Saint-Pierre que vous entendez, et puis de l'église paroissiale, parce que la messe va commencer. Et puis tout à l'heure, c'est les cloches de l'abbaye qui vont sonner. Donc on va commencer notre ascension jusqu'au toit, jusqu'au niveau de la cloche. Nous sommes sur les terrasses du chœur, et ces terrasses correspondent aux toitures des chapelles et du déambulatoire. Et là, on découvre effectivement l'abbé, mais derrière nous, l'enchevêtrement des arcs-boutants. On découvre ce squelette de pierre qu'est le chœur gothique, avec les arcs-boutants, ce que l'historien Michelet appelait à Notre-Dame de Paris les béquilles des cathédrales. On vient de déboucher de l'escalier à vis, et là, devant nous, un tout petit escalier. Un escalier qui est posé sur l'arc-boutant avec ses garde-corps dans le style gothique. Donc on va enjamber le vide en empruntant ce petit escalier pour arriver sur le toit du chœur. Alors ce qu'on découvre ici, dans l'enchevêtrement des arcs-boutants, là il faut prendre du recul depuis cette terrasse, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Pour ne pas boucher une des fenêtres du chœur, on a rejeté la tourelle d'escalier le plus à l'extrémité possible. Et entre la tourelle d'escalier et le toit du chœur, on a posé sur un des arcs-boutants un petit escalier. Et là-haut, dans le vide, au-dessus de nos têtes, vous avez une rampe ajourée. Il faut reculer encore un peu. Une rampe ajourée qu'on appelle l'escalier de dentelle. Et cet escalier, qui est un accès technique, hein, pour accéder au toit, au comble, il est évidemment célèbre. Nous sommes à quelle hauteur ? là, après avoir emprunté cet escalier de dentelle. On est peut-être à 90, un petit peu plus de 90 mètres. La pointe du rocher, à la croisée du transept, sous l'église, est à peu près à 80 mètres. Donc voilà, on est monté de quelques, une petite dizaine de mètres seulement. Ici, ce que nous pouvons apercevoir, ce n'est pas de la décoration, ce que nous apercevons là. C'est, tout a une utilité, c'est très beau, mais en même temps, là, les pinacles repoussent un petit peu, inscrivent le cœur dans le sol. C'est le principe de la cathédrale gothique, ces pinacles, apparemment décoratifs, et qui créent des lignes verticales, qui accentuent l'élancement de ce cœur, qui, je le répète, est assez petit, en fait. Ces pinacles, ils servent aussi de contrepoids, en quelque sorte. Par leur masse, par leur poids, ils écrasent toutes les poussées latérales qu'exercent les voûtes à l'intérieur du cœur, les arcs, au sol tout en bas. Nous venons d'emprunter les escaliers de dentelle et nous arrivons sur les gouttières du toit. Cet endroit est très exigu, nous sommes comme sur une petite tourelle et tout est très ouvragé. C'est du granit, mais tout autour de nous, les balustrades sont ouvragées. Oui. On est dans l'architecture gothique et à l'intérieur comme à l'extérieur, il y a la volonté de magnifier l'église avec autour de nous une floraison de pinacles, ces petits clochetons qui servent à écraser les poussées des arcs-boutants à la verticale tout en bas, mais qui sont ornés de feuillages ajourés, découpés. Il y a presque déjà de l'art nouveau dans cette architecture de la fin du Moyen-Âge. Et puis des balustrades pour nous protéger, des garde-corps dans le style flamboyant. Donc un raffinement, malgré la rudesse du matériau, hein, le granit ça se sculpte pas très bien, un raffinement qui fait de ce cœur un véritable bijou et qui se voit quand on est sur les remparts ou quand on est dans la grève et qu'on découvre cette dernière partie de l'abbaye construite à la fin du 15e au début du 16e, cette partie gothique, mais du gothique tardif. Chaque pierre est sculptée au bas du village et puis ensuite assemblée. On pense que les matériaux, les premières constructions du monde, on a pris la pierre sur place. Mais à partir de l'an 1000 et de la donation des îles Chausey à 30 km dans la mer, tout vient des îles Chausey. Et donc ces pierres, elles ont vraisemblablement été taillées là-bas, avec des gabarits, des modèles. Et c'est la mer qui poussait les barges chargées de pierres. Il y a peu de place sur le mont. Et installer des carriers, des tailleurs de pierres, c'est pas une très bonne idée. Il y a des bistrots partout, ils ont là des objets de distraction. Non, tout était préfabriqué à Chausey, vraisemblablement. Et donc, avec des modèles, les pierres sont réalisées là-bas. Et on attend les grandes marées pour charger les barges et les amener au pied du mont. Oui, parce que les marées ont un coefficient important. Donc les barges sont poussées, sont des barges à fond plat? Naturellement, la mer envahit la baie. Et si vous chargez des barges aux îles Chausey, qui sont là devant nous, à 25 km à l'horizon, eh bien, les barges arrivent au fond de la baie, c'est-à-dire au pied du mont. Avec, par ordre d'apparition, Xavier Bailly, François de Caligny de la Haye, Jean-Marc Kobach, François Saint-James, Pierre Bouet et l'architecte en chef des monuments historiques, François Janot. Prise de son, Olivia Granger, attachée d'émission, Marie-Vonne à Bolivier. Au mixage, Bernard Laniel. Le Mont Saint-Michel vu du ciel, une émission de Nejma Bouakra réalisée par Laurent Polleret. Coordination, Perrine Kerbrand.